بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو باب في صفات التغسيل، في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة. Pour montrer comment laver le mort et comment suivre son cortège funéraire. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 56 بعد المئة، 156 حديث، عن أمتي عن أم عتية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال يغسلناها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، وإن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في آل آخر كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن أذنعني، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقواه، فقال: أشرناها إياه تعني زاره. وفي رواية: أو سبع. فقال: ابنأنا بيمانها بيمامنها ومواضع الوضوء منها. وان ان معتية قالت: وجعلنا رأسها ثلاث قرون. نص حديث دهم معتية الأنصارية على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم est venu auprès d'elle au moment où est morte sa fille Zainab. Et il a dit aux femmes, c'est-à-dire à Mu'atiya et aux femmes qui étaient avec elle: lavez-la trois fois, ou cinq fois, ou plus que cela si vous voyez qu'il en a besoin, avec de l'eau et du cidre. C'est du jujubier. Et là, il s'agit de jujubier qui est en poudre mélangé avec de l'eau. Et faites en sorte que le dernier lavage soit avec du camphre, ou alors un peu de camphre. Et si vous avez terminé, alors appelez-moi. Et lorsque nous avons terminé, nous l'avons appelé. Alors il nous a donné son izar. Donc il a dit, de le placer sur elle, quoi. C'est comme ça que j'ai compris. De placer ce izar sur elle, sur sa fille. C'est-à-dire son izar. Et dans une version, sept fois, c'est-à-dire la laver sept fois s'il le faut. Et il a dit, commencer par la droite et les membres des ablutions. Et Oum Ataya, elle a dit, nous avons coiffé sa tête en faisant trois nattes. Naam. Yaqulu Fadilat Shi'a bin al-Thaymin. Araoui, rapporteur, c'est Oum Atiya al-Ansariya, radiallahu anha. Nusayba, elle s'appelle. On a déjà parlé d'elle auparavant, en précisant justement qu'elle s'était spécialisée dans ce domaine qui était le lavage des morts. Moudou al-Hadith, Bayan, Hukm Tarsil al-Mayyet, Wasifati. Là, maintenant, c'est pour montrer le jugement du lavage du mort, ainsi que son descriptif. Comment doit-il s'accomplir ? يقول في الشرح الإجمالي: تخبر أم عتية الأنصارية رضي الله عنها وكانت ممن يغسل النساء بعد موتهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين توفيت ابنته زينب رضي الله عنها. Donc أم عتية الأنصارية informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم, du moins qu'elle était parmi ceux qui lavaient les morts après leur mort, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès d'elle lorsque sa fille Zainab est morte. Wa kanat tarsilaha wa ma'aha nisa farshadahunna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila akmal al-wujuh fi tarsil al-mayyit wa amarahunna an yaghsilnaha witra thalathan aw khamsan aw sab'a aw akthar min dhalika in ra'ayna dhalika laziman li tathhiriha. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué la meilleure façon de pouvoir faire ce lavage du mort. Yani que Atiya lavait les femmes mortes et avec elles d'autres femmes qui l'aidaient en cela. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué la meilleure façon de faire ce lavage. Et leur a ordonné de laver, c'est-à-dire sa fille, d'un nombre impair, 3 ou 5 ou 7, ou même plus que cela si jamais elle voyait qu'elle avait besoin afin de mieux la purifier. وَيَخْلُطْنَا الْمَا بِسِدْرِ لِيَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ وَيَبْدَأْنَا بِأَرْدَى الْوُضُوءِ تَكْرِيمًا لَهَا والحاقا لغوص الميت بغوص الحي، ثم يغسلن بقية الجسم ويبدأن في الوضوء والغسل بالأيمان قبل الأيسار. Donc il a dit qu'elles doivent mélanger l'eau avec du cidre, du jujubier, comme on l'a dit, qui était broyé en poudre, car cela est plus efficace pour le lavage. Ça fait comme une forme de savon. Et qu'elle commence par les membres de l'eau, c'est-à-dire les mains, le visage, tout ce qui s'ensuit, les avant-bras, et ensuite la tête, ensuite les pieds. Et cela pour honorer ses membres et pour faire en sorte que le lavage du mort ressemble à celui du vivant. Ensuite, elles doivent laver le reste du corps, c'est-à-dire une fois qu'elles ont fini les membres de wudu, elles font le lavage du corps, tout le reste du corps. طيب, et elles commencent par le côté droit, avant de faire la gauche. ويجعلن في غسلة الأخيرة كافورا يدق ويخلط بماء لتطيب بدن الميت وتصليبه وطرد الهواء منه. Ensuite, elles doivent conclure le dernier lavage en mettant du kafour, du camphre, qui soit lui-même, mis en poudre, mélangé avec de l'eau, afin de parfumer justement le corps et le rendre plus rigide et enlever les saletés qui restent. ثم أمرهن إذا فرغن من غسلها أن يخبرنه فأخبرنه فنزع إزاره من حقويه وأمرهن أن يجعلنه شعارا لها يلي جسدها تبركا بلباسه وآثار جسده. وقد انقضت النسوة التي يغسلن زينب رأسها وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون ناصية قرن والجانبان قرنان ولقيناه خلفها. طيب, ensuite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de qu'elles l'informent lorsqu'elles ont terminé, chose qu'elles ont faite. Et de là, il a enlevé son izar de sa taille, puis il leur a ordonné de le mettre sur elle, sur Zainab, afin qu'elle en profite de cette baraka du vêtement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des traces de son corps. Et que ces femmes qui avaient justement aidé Umm Atiya à laver Zainab, elles lui ont défait les cheveux, c'est-à-dire pour les laver, et ensuite elles les ont nattées, trois nattes, une derrière la nuque et deux sur le côté. طيب, يقول الشيخ الفهمين في فوائد الحديث. أولا, وجوب تغسيل الميت, l'obligation de laver le mort. ثانيا, صفة التغسيل, la façon de laver le mort. Cela a été décrit justement dans le hadith et dans l'explication générale. ثالثا, أن النساء لا يغسلن إلا النساء يستثنى من ذلك الزوج فيجوز أن يغسل زوجته. Les femmes ne doivent laver que les femmes, et fait exception à cela le mari qui a le droit de laver sa femme, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Aïcha que si il vivait après elle, il la laverait. رابعا, شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال صلته لرحمه, ce qui montre la compassion du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la façon complète dont il entretient les liens de parenté. خامساً, ثبوت التبرك بملابسه وآثاره وهو من خصائصه فيتبرك بملابس غيره من الناس وآثارهم, qui montre qu'on peut prendre une baraka par les vêtements du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et par ses traces, c'est-à-dire tout ce qui vient de lui, également par le fait de toucher son corps et autre que cela, et cela est parmi ses particularités. Et cela ne se fait avec personne d'autre, c'est-à-dire on ne va pas toucher quelqu'un d'autre pour avoir de la baraka ou avoir ses vêtements ou demander. Les sahabas ne l'ont pas fait après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas voir Abu Bakr pour le toucher, pour avoir ses vêtements ou autre. Ça n'a été fait qu'avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant. Sadisan, jawaz tafwid al-amin min al-amal bima tu'mina alayhi in kana ahlan tafwid liqawlihi in ra'aytunna dhalika, qu'il n'est pas mieux justement de confier une tâche à une personne de confiance pour accomplir un travail, si on voit que la personne justement est appropriée. Parce qu'il a dit aux femmes, si vous voyez que cela est approprié, c'est-à-dire de laver plus que cinq fois, c'est-à-dire à vous de voir. Donc il leur a confié justement le soin de se charger de cela selon leurs compétences, selon leur expérience. سابعا جواز التعاون في تغسيل الميت قال العلماء لا يحضره عند التغسيل سوى الغاسل ومعاونه ومعاونه et qu'il est permis justement d'avoir des gens qui t'aident lorsque tu fais le lavage d'un mort. Et les savants, ils ont dit que personne ne doit assister au lavage du mort, si ce n'est celui qui lave, ainsi que ceux qui l'aident en cela. Naam. وَهَذَا الَّذِي أَخَذْنَا الْيَوْمَ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ